Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. La chronique de la Ligue du Lac au Fleuve avec notre ami Mathieu Garon. Mathieu, salut Mathieu d'abord. Salut Denis, très bien toi. Ça va bien Mathieu. Transaction majeure qui est survenue cette semaine dans la Ligue du Lac au Fleuve. C'est sûr que c'est une transaction impliquant 6 joueurs, impliquant ici notre multiconcessionnaire. 6 joueurs, c'est quand même spectaculaire comme transaction, c'est intéressant là. Ben écoute, c'était plutôt l'échange Gortonal Yannick Boulian. Yannick Boulian, maintenant, il est rendu qu'il reste sur la Côte-Nord. Okay. Donc, Haute-Côte-Nord, ont essayé de l'avoir pour pouvoir jouer dans leur équipe cette année. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu un entente entre les deux équipes afin de pouvoir que Yannick Boulian appartienne à la Haute-Côte-Nord. Mais en même temps, ça a impliqué d'autres joueurs à l'intérieur. Haute-Côte-Nord ont envoyé en échange Marc-François Bernier, ils ont envoyé Michael Larue et ils ont également envoyé, j'ai un autre nom qui m'échappe, mais en retour, le Dolbeau-Mistassini ont eu en retour, Yannick Boulian, ils ont eu également, si je me rappelle bien, Michael Gagnon et Jean-Simon Girard. Donc c'est ça la transaction contre Modo, mais c'est plus concernant le cas à Yannick Boulian. C'est le gros élément majeur dans la transaction. Ça, c'est-tu des joueurs qui jouent de façon régulière dans l'équipe? C'est-tu des joueurs que les gens de Dolbeau peuvent s'attendre à voir, exemple, samedi? Honnêtement, c'est des joueurs qu'on n'a pas vu encore évoluer dans la Ligue. Donc, si okay. Dolbeau réussit à l'équipe à convaincre à pouvoir jouer dans leur organisation, c'est bien, mais c'est pas des joueurs actifs présentement dans la Ligue. OK, donc ces six joueurs-là, c'est pas des joueurs que tu as vus dans la Ligue, autrement dit. Là. C'est des échanges de droits. À part Yannick Boulian, là, c'est le seul élément qui est différent. OK, OK. Étoile de la semaine dans la Ligue du Lac au Fleuve, Simon Tremblay de Dolbeau-Mistassini. Ensuite de ça, on a Simon Jacques Coulomb et Steven Girard. Exactement, c'est les trois étoiles de la semaine passée. Qui était à Dolbeau. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment le résultat de ce match-là qui a fait en sorte que c'était aux trois étoiles de la semaine. Comment vous procédez pour les joueurs de la semaine ou les joueurs du mois? Y allais-tu par les statistiques? Lui qui est meilleur statistique, c'est lui qui obtient le joueur de la semaine et le joueur du mois? Il y a quand même un comité qui juge de ça? Ben, ça fonctionne beaucoup plus avec des statistiques. Notre système maintenant, qu'est-ce qu'on est rendu, offre la possibilité d'avoir la gestion des joueurs de la semaine automatique. Ça y va vraiment par les statistiques, le nombre de buts, après ça, le nombre de passes et le total des points là, qui sont cumulés à ce niveau-là. OK. Donc, et le joueur du mois maintenant, ça a sorti ce matin, joueur offensif et défensif. Joueur défensif, c'est un joueur de Dolbeau-Mistassini, Pierre-Olivier Neau. Et le joueur offensif, c'est un gars, je l'ai parlé ce matin dans le bulletin de sport local, c'est un gars de Charlevoix, je crois, qui a réussi deux tours de chapeau. Côté offensif, c'est ça, Alexandre Larouche qui a réussi l'exploit dans la même fin de semaine, donc deux parties à faire un tour du chapeau dans chacun de ces deux matchs-là. Donc, c'est pour ça que des honneurs lui est revenu. Et du côté défensif, c'était Pierre-Olivier Nau de Dolbeau. Pierre-Olivier, pour un défenseur, est quand même sorti avec un point pour chaque match qu'il a évolué. Et dans le match du 19 octobre, là, il avait pu accumuler deux points dans ce match-là. Fait que pour les honneurs, lui étaient dus. OK. Donc, en fin de semaine, il se passe quoi? En fin de semaine, deux matchs. Un match à Dolbeau, Haute-Côte-Nord, visite l'équipe de Dolbeau. Et du côté de Jonquière, Charlevoix seront les visiteurs. OK. Dis-moi, j'ai une chronique avec Pierre Guay de la Ligue JMS à toutes les semaines. Tout bonnement, j'ai posé la question comment ça va l'arbitrage et ainsi de suite. Et il m'a dit que c'était compliqué. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins d'équipes, il y a beaucoup moins de matchs dans la Ligue du Lac-au-Fleuve que dans la Ligue JMS, puisque la Ligue JMS, c'est le midget, le junior régional. Mais comment ça va dans l'ensemble, vous autres, de ce côté-là? Du côté de l'arbitrage, on a vraiment un très bon staff. On est à chercher des gens de qualité. On a Martin Savoie, qui est mon directeur hockey, qui est aussi le responsable du dossier arbitre. En fait, vraiment du recrutement pour aller chercher vraiment les meilleurs éléments qu'on avait dans la région ici. C'est sûr que nous, nos gars sont généralement situés au Saguenay. On a également des officiels qui proviennent de la région de Québec et de la région de la Haute-Côte-Nord. Donc, mais on a vraiment un staff qui est vraiment compétent et de calibre à pouvoir faire du senior. OK, OK. Ben Mathieu, on va se parler la semaine prochaine. Ça fait pas mal de tour pour cette semaine? Yeah, pas oui, exactement. OK, Mathieu Garon, le commissaire de la Ligue du Lac-Aux-Fonds.